Nous voici à l'avant-dernier épisode de cette saison. On va parler de l'année 87, entièrement. C'est une année de séisme pour le paysage audiovisuel francophone. D'un côté, on savait depuis 86 que la première chaîne française publique allait être privatisée. Ce fut concrétisé en avril 87. Beaucoup d'animateurs vedettes allaient quitter TF1 pour partir vers la 5, et d'autres allaient arriver depuis Antenne 2. Par exemple Jean-Pierre Foucault, Christophe de Chavannes ou, et nous y reviendrons, Dorothée. Côté belge, c'est RTL Télévision, qui faisait jusqu'ici le grand écart entre la Belgique et la France, qui va définitivement être scindé, et le canal belge va prendre son indépendance en septembre 87 avec le lancement de RTL TVI. Découvrons donc cette année de changement, mais d'abord, générique. Comme d'habitude, pour commencer, un peu d'histoire. En janvier, l'année débute sur une vague de froid sur l'Europe du Nord. Elle va durer jusque fin janvier et causer la mort d'une centaine de personnes en France. En mars, le paysage audiovisuel français voit également la naissance d'une nouvelle et sixième chaîne de télévision, M6. Le même mois, un tremblement de terre fait au moins 1000 morts en Équateur. Le 6 mars, précisément, on découvre le naufrage du car ferry britannique le Herald of Free Enterprise à 1 km du port de Zeebruges. Il fait 193 morts. Il sera suivi quasi en direct par les chaînes belges. Comme nous le disions, le 6 avril, la chaîne télévision publique TF1 est privatisée, et c'est le groupe Bouygues qui en devient propriétaire à 50%. Le 3 mai, on note le décès de Dalida, chanteuse et artiste de music hall, alors que le 9 mai, c'est le 32e concours Eurovision de la chanson. Il est organisé par la RTBF qui avait gagné avec Sandra Kim l'année précédente, et ceci à Bruxelles. Pendant les grandes vacances, débutent les travaux du tunnel ferroviaire sous la Manche. Il relie le Royaume-Uni et le nord de la France et il sera inauguré le 6 mai 1994. Le 31 juillet, on a des affrontements à la Mecque entre pèlerins antichristes iraniens et forces de l'ordre saoudiennes. Cela fera plus de 400 morts. En août, mort en prison de Rudolf Hess, l'ancien dauphin de Hitler. Et en fin d'année, citons également le 22 octobre, la mort de l'acteur italien Lino Ventura. Passons maintenant, comme à chaque fois, au cinéma. On commence l'année sur une sortie en janvier qui parle d'un inventeur génial, le biologiste Seth Brundle, qui développe la téléportation moléculaire. Il se prend lui-même comme Kobe pour démontrer l'efficacité de son processus à une séduisante journaliste chargée d'écrire un article sur lui. Hélas, une mouche s'introduit dans l'appareil de téléportation. Dès lors, le scientifique se transforme jour après jour en un monstrueux insecte. Ce film de David Cronenberg met en scène Jeff Goldblum et Gina Davis, c'est La Mouche. Non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que si. Oui, mais ils mentent. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices. Là où les créations les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes. Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Si tu avais vu à quel point il avait peur, il était furieux et désespéré. Je suis persuadé que Marie Typhoïde était aussi une personne très gentille en société. Non. Tu as peur d'être dissocié et recréé, c'est ça? Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe. Ce mal qui est en toi, que veut-il? Il veut me transformer en quelque chose d'autre. Oh non. Une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté. Ne retourne pas le voir, il peut être contagieux. Oh, j'ai peur. N'aie pas peur. Non. Ayez peur. Ayez très peur. Aide-moi. Je t'en prie. Aide-moi. En février, on parle d'un homme élevé par une tribu d'aborigènes, Crocodile Dundee, alias Michael G. C'est un aventurier qui hante les vastes étendues du bush australien, où il zone comme un poisson dans l'eau. Sue Charlton, ambitieuse journaliste américaine, découvre l'homme sauvage et veut à tout prix faire un scoop. Elle finit par le rencontrer, l'emmène à New York et succombe à ses charmes. Ce film est l'occasion pour l'Europe de découvrir Paul Hogan, un célèbre humoriste dans son pays, l'Australie. Le film s'appelle Crocodile Dundee. Il est né au pays des kangourous, où un homme, un vrai, marche sur ses deux pieds, parle avec ses poings et se sert de sa tête comme il peut. Ah, merde! Deux bières, Ida. Une pour moi, une pour mon pote. Un héros de légende qui s'apprête à affronter un monde infiniment plus sauvage que la brousse où il règne en maître. Salut. Mick Dundee, je viens d'Australie. Ça flotte? Très bien, voyez-vous. Oui, je crois qu'on peut avoir la passe deux ou trois jours ici. On se tape une bière, d'accord? Au revoir. C'est un peu grand aussi. Et alors, t'étais jamais venu ici? Ici, pas plus qu'ailleurs. Il va peut-être falloir qu'on t'offre une petite fleur. Ouais. Une fleur de quoi? Alors, New York vous plaît? C'est un vrai asile de fous, cette ville. C'est pour ça que je l'aime. Je me sens dans mon élément. Salut! Excusez. Salut. Oh. Mais il l'a eu! Ça va pas des bois! Et quand vas-tu rentrer? Si t'as pas trop besoin de moi, je voudrais rester un brin. Dis donc, ça n'aurait rien à voir avec une certaine journaliste par hasard? Vos serviettes, Seigneur Mick. Paul Hogan. Hé, hey, mec, ton alors, ça balance? Où ça? Et Crocodile Dundee. T'as du feu, mec? Bien sûr, petit gars. Et ton pognon? Il a un couteau, regardez. Un couteau, ça? Ça, c'est un couteau. Crocodile Dundee. En mars, on suit un jeune soldat américain parti combattre au Vietnam avec enthousiasme, qui déchante rapidement en découvrant les horreurs de la guerre. Couronné par un Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, ce plaidoyer pacifiste vaut autant pour la profondeur de son discours que par la manière ultra-réaliste dont Oliver Stone, qui a lui-même combattu au Vietnam, décrit la vie au front. C'est Platoon, avec un casting de folie pour l'époque, Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Johnny Depp, Forest Whitaker ou encore Kevin Dillon. Fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. Passons au mois d'août, où on parle de Robert Murtaugh, un policier noir quinquagénaire, marié et père de famille, qui compte bien atteindre paisiblement la retraite. Mais voici qu'on lui confie comme coéquipier Riggs, un jeune flic suicidaire qui vient de perdre sa femme et manie son arme comme un cow-boy. L'un et l'autre, anciens du Vietnam, vont s'opposer à un gang de trafiquants de drogue dirigé par une organisation fasciste. Mel Gibson et Danny Glover se retrouvent dans un film de Richard Donner, c'est L'Arme Fatale. Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger. Ni coup de feu, ni jujitsu, tu le fais juste descendre. Mais alors quoi, tu veux sauter ou pas? Bon, on va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens, mais ça m'intéresse, j'ai jamais fait. Hey. Il allait prendre sa retraite. Maintenant, il la regrette du fond du cœur. Un flingue. Roger, tu travailleras avec lui. Avec lui? Oh, j'ai passé l'âge de ces plaisanteries. Que ces deux-là arrivent seulement à se supporter. Qu'est-ce que tu portes comme arme? Un Smith & Wesson. Ça, c'est la marque préférée des papis. Et ça va dégager chez les criminels. Je ne veux pas de mort. Il n'y aura pas de mort. J'ai passé l'âge, je vous dis. Est-ce que t'es aussi doué que tu le prétends? On ne peut rien contre moi. En fait, dans notre arsenal, tu es notre arme fatale. Des gens que tu n'es pas tué. Ben, je t'ai pas encore tué, toi. Ce même mois, on suit le major Dutch Schaffer, qui prend la tête d'un commando chargé de délivrer un groupe de civils américains prisonniers de guérilleros en Amérique centrale. Largués en hélicoptère dans une jungle hostile, ces hommes et lui découvrent des corps de soldats écorchés vifs, ceci avant d'être pris en chasse par un mystérieux monstre. Au casting, Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers ou le catcheur Jesse Ventura, c'est Predator. Moi j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat c'est pas moi. Bon. Cette mission, c'est quoi? Dans un coin du monde où toutes les règles ont été abolies. Il faut suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière, pas vu, pas pris, et personne saura qu'on était là. Bon, ça veut dire qui? Au cœur de la forêt où la mort rôde à chaque instant. T'es coincé ici. T'es dans la merde, Grantin. Tous en piste, les clowns! Tac, tac. Une opération de sauvetage. Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Et menée par un commando d'élite. C'est pas dans la poche, c'est pour ça qu'on t'a... Et soudain, pourquoi Billy a l'air si affolé? Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmenée. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. Mais il capte la chaleur des corps et celle de la terreur. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir. Ah ! Merde ! Il a été écaillé vivant ! Et chasse pour le sport. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. S'il peut saigner, on peut le tuer. Twentieth Century Fox présente Arnold Schwarzenegger dans Predator. En octobre, Stanley Kubrick nous présente un camp d'entraînement en Caroline du Nord, à la fin des années 60. Le sergent Hartman du corps des Marines prend en main les nouvelles recrues, ceci avec l'ambition d'en faire des machines à tuer.

C'est l'heure de l'aventure. Laissez-moi. Vite les enfants, tant que ça dure, c'est notre instant de joie. Ensuite, autre grande première. On se trouve dans un monde féerique où vivent des petits poneys issus de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Certains vivent dans la forêt, d'autres dans les nuages. Il y en a même qui vivent sous l'eau, tels des hippocampes. Ces créatures magiques n'aspirent qu'au bonheur et connaissent de drôles d'aventures avec leurs amis humains. C'est mon petit poney. Il est sympa, si sympa qu'on voudrait être comme ça, comme mon petit poney. Il est toujours, toujours bien, toujours gay. Au niveau des émissions, citons trois nouveautés. D'abord, un jeu qui reviendra chaque mardi pendant un certain temps. L'émission était axée sur un thème précis, comme une commune, une région belge ou un rapport simple avec la Belgique. Les candidats étaient un couple qui tentait de découvrir une série d'énigmes en se répartissant les tâches. L'un des conjoints tentait de répondre en studio à Charleroi aux questions posées par Robert Frère et Marianne Périlleux, alors que sur le terrain, l'autre essayait de relever des épreuves plus sportives proposées par Bernard Perpette. Le couple pouvait alors emporter divers cadeaux comme un téléviseur, un voyage ou encore une somme d'argent. Il y avait 7 épreuves dans une émission, d'où le nom du jeu, Double 7. Chers amis, bonsoir, bonsoir et quel plaisir de vous retrouver pour cette heure et quart de convivialité hebdomadaire dont nous allons reprendre l'habitude. Ensuite, on a l'occasion d'apprendre l'anglais avec une émission qui vient de Suisse, c'est The Victor English Method. Hello, my name is Victor and I want to learn English. Enfin, une émission sportive qui démarre pour une longue période grâce au passage de matchs de football du dimanche après-midi vers le samedi soir. On a donc une émission qui présente les résumés des matchs du samedi. C'est match 1. Passons sur RTL Télévision, qui va donc devenir RTL TVI à la rentrée. Pour les plus jeunes, trois points sont à ressortir du lot. L'arrivée dans le chocolat chaud des trois mousquetaires version chien, qui étaient déjà passés dans Vitamine. Ensuite, une émission présentée par Karen Cheryl, qui joue le rôle de la fée Mina, où l'on retrouvera les mini-pouces, les bisounours ou encore Pole Position. C'est la lucarne d'Amilcar. Citons enfin un dessin animé qui met en scène trois jeunes triplés aux cheveux blonds, deux garçons et une fille d'environ 5 ans, d'allure plutôt bourgeoise, et qui vivent des aventures dans la joie et la bonne humeur. Ce sont les triplés. On Passons maintenant à l'orgie de séries que l'on trouve cette année sur RTL. En plus de tous les cartons classiques sur lesquels on ne reviendra plus, il y a de grandes nouveautés qui vont marquer une époque. D'abord, une série qui tourne autour du personnage d'Angus MacGyver, connu par ses amis comme Mac ou MacGyver. Le principal est sa mise en pratique de ses connaissances scientifiques et l'utilisation inventive des objets à sa disposition, tout en n'utilisant que son couteau suisse. C'est la série MacGyver. L'histoire de Gordon Shumway, un extraterrestre qui mesure 83 cm, né le 28 août 1757 sur la planète Melmac. Il débarque sur Terre et veut comprendre tout ce qui se passe sur sa nouvelle planète, et cela va chambouler entièrement la vie des Tanners. Oui, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Alf. Ensuite, une série qui met en scène le quotidien de l'équipe médicale et des patients d'une clinique située dans la forêt noire. Tout est aseptisé et respire le propre dans cette série allemande. Le personnel est agréable, la nature est verdoyante, la série décrit un monde matérialiste idéal où la mort n'existerait pas. C'est la clinique de la forêt noire. Également une série qui met en scène la famille Seaver, qui habite dans la banlieue de New York et dont le père est psychiatre et la mère journaliste. On suit l'éducation parfois difficile de leurs enfants. C'est quoi de neuf docteur ? Show me that smile, ooh, show me that smile. Don't waste another minute on your crying. Keep on. va également suivre les aventures de Michael Knight, dont la mission est de lutter contre le crime. Il est aidé dans sa mission par une voiture intelligente nommée KIT, acronyme de Knight Industries 2000, soit K2000. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Également l'histoire de Larry Appleton, un habitant de Chicago un peu snob, partageant son appartement avec son cousin éloigné Balky Bartokomous, un berger venu de Mipos, une île imaginaire, et ceci avec sa chèvre. C'est Larry et Balky. Voici également venir une histoire qui se passe à San Francisco, où on suit la vie de photographe de Samantha Russell, dite Sam, qui est parfaitement organisée entre son assistante Dixie et son agent Lucas. Mais sa sœur, Patty Russell, âgée de 16 ans, va arriver inopinément de l'Oregon et bouleverser cette belle harmonie. C'est la série Sam suffit. Elle est malheureusement devenue célèbre en France par rapport à un fait divers lié à une des deux héroïnes. Rebecca Schaffer, qui joue le rôle de Patty, fut froidement assassinée en juillet 89 par un fan psychopathe et paranoïaque de 19 ans. Elle n'avait alors encore que 21 ans. Everything starts like a knock at the door. You don't know what it is, but you know who it's for. That's the way we began, and there's no end inside. Enfin, Spencer, une série qui met en scène les enquêtes du détective privé Spencer dans la ville de Boston. On retrouve dans cette série Robert Urich, qui était le Dantana de Vegas, ou aussi le Jim Street de la section 4. Voilà, en dehors de cette série, on a aussi un nouveau jeu. Dans cette émission, deux équipes composées de deux personnes, en général un couple, s'affrontent à tour de rôle en participant à certaines épreuves. Lors de ces épreuves, chaque bonne réponse donne lieu à une certaine quantité d'argent. L'équipe qui a totalisé le plus d'argent à la fin de l'émission remporte la partie et peut participer à la finale. Ça s'appelle les coups de dés. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au coup de dés. Passons maintenant au binôme TF1 et Antenne 2, car c'est ce qui va nous occuper pour cette année, vu les bouleversements prévus. En début d'année, TF1 est toujours à la traîne au niveau des émissions jeunesse face au rouleau compresseur Récréa 2. En janvier 87, l'équipe de Récréa 2 est d'ailleurs même renforcée, et personne ne s'imagine ce qu'il va se passer. Du côté de TF1, on essaie encore de nouvelles choses. Le dimanche matin, on place un nouveau Christophe Izard, on change le présentateur de Salut les petits loups. Au printemps, en interne de Récréa 2, on se rend compte que quelque chose ne va plus. TF1 privatisé a en effet offert un pont d'or à Dorothée pour venir s'occuper de la jeunesse. Ce sera la fin de Croque Vacances. Bientôt, entre Dorothée Matin, le Club Dorothée et autres émissions du style, il n'y aura plus qu'une personne qui sera l'image de la jeunesse. Un an plus tard, Récréa 2 disparaîtra. Rien n'aurait pu prévoir un tel chambardement. Commençons donc sur Antenne 2. Qu'est-ce que Récréa 2 nous propose cette année de neuf ? On peut citer les Transformers dont nous avons déjà parlé. Il y a aussi les aventures des Galaxy Rangers. C'est une série, une espèce de space western, mélangeant un space opéra et un western. En effet, on parle des Galaxy Rangers qui doivent, en véritables Rangers de l'espace, avec des chevaux cybernétiques, faire régner l'ordre sur les planètes de la Confédération Terrienne. Très loin dans le futur, au milieu des galaxies, des ennuis les attendent, vers le clair-obscur. On trouve aussi les Ewoks, qui racontent les exploits de Wicket et de sa tribu Ewok avant les événements du retour des Jedi de la trilogie Star Wars. Sur la planète Endor, personne n'ignore qu'ils sont les plus forts. Solides comme des rocs et fiers comme des coqs, les petits Ewoks. Ils sont drôles et charmants, très indépendants, mais le méchant. Un bonjour les provoque, tout ce qu'ils feront bloque. Les petits Ewoks, ils vivent dans une forêt où tous les arbres sont sacrés. Pour les défendre, ils ont juré de combattre à jamais ceux qui oseraient un jour y toucher. Du lac, sans peur ils se moquent, les petits Ewoks. Dernière grande nouveauté, l'histoire de Jim Hawkins, qui n'a pas 13 ans quand il décide de partir à la recherche du fabuleux trésor d'un célèbre pirate, mort aujourd'hui, le capitaine Flint. Avec Benbow, son petit léopard, Jim embarque donc à bord de l'Hispaniola. Ceci accompagné du sage docteur Livesey, du sympathique Trelawney, du capitaine Smollett, à la droiture implacable, et de John Silver. Un unijambiste cuistot en apparence, mais pirate en réalité. Il prendra Jim sous sa coupe. C'est l'île au trésor. Jim Hawkins n'avait pas 13 ans. Non, pas 13 ans. Quand il partit sur l'océan. Sur l'océan. Il était haut comme trois pommes, mais plus valeureux que trois hommes. A noter qu'il y aura aussi une émission spéciale post-Dorothée de Cricra 2 qui s'appellera Marron, Praline et Chocolat. Émission avec Marie Dauphin et Charlotte Caddy, ainsi qu'Alain Chauffour, qui présentera deux séries. D'abord La Petite Merveille, en fait créée par l'ingénieur Ted Lawson pour aider les enfants handicapés dans leur vie quotidienne. On parle d'un robot qui se retrouve chez les Lawson et qui vont très vite l'adopter, comme leur fille. Elle devient ainsi la sœur du fils de la famille, Jamie, et rend à l'occasion de nombreux services grâce à ses pouvoirs surhumains. She's a small wonder, lovely. lovely and bright and soft curves. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. La la la la la la la la la la la. Plastic, microchips here and there. She's a small wonder, brings love and laughter everywhere. Également Monstres et Merveilles. Cette série, conçue autour d'un narrateur et de son chien, met en scène des histoires dans une ambiance fantastico-médiévale. Elles sont souvent inspirées par le folklore des pays européens. Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place auprès du feu est celle des monstres et merveilles. Hors des séries pour enfants, on peut noter également l'arrivée de MacGyver cette fois-ci dans Dimanche Martin. On a aussi Le Voyageur, qui, un peu à la façon de la quatrième dimension, est une anthologie d'histoires fantastiques policières, avec en plus un peu d'érotisme, qui sont présentées par un mystérieux autostoppeur. Enfin, Aline et Cathy, une série qui met en scène deux amies d'enfance qui, après leur divorce, décident de partager un logement à New York avec leurs enfants. Du côté de TF1, qui va donc changer de peau, tout va changer. On commence l'année par la dernière émission de Christophe Izard, Zap Zapper, qui est présenté par Zapper, une marionnette en forme de chien. Il est assis dans un fauteuil devant un téléviseur, une télécommande à la main, il regarde des dessins animés et des rubriques, ceci en même temps que les téléspectateurs. Zapper zappait toutes les 5 minutes, temps qui correspondait à la durée du dessin animé. Chaîne pour jongler avec ses képis. Tarzan se promène avec Madame sans gêne et va voir jouer Platini. Change vite de chaîne car c'est l'heure où ça mène ce cinglé de Zapper avec Rippy. Si tu fais jouer On y note le retour de Super Bécane, de Calimero, de la Noiraude ou d'autres bonnes pioches issues du passé. Avant l'arrivée de Dorothée, on découvre aussi G.I. Joe, Héros sans frontières. L'histoire met en scène une guerre aux quatre coins du monde entre le G.I. Joe, un groupe de soldats d'élite sous commandement américain, appelé aussi les Héros sans frontières, ceci face à une organisation terroriste internationale fictive appelée Cobra. héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, il est une de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. Enfin, pour sa dernière année, Croc Vacances nous présente une série basée sur la guerre des mondes, les Tripodes. La Terre est alors sous le joug d'aliens se déplaçant dans des véhicules à trois pattes, les tripodes. Ces derniers asservissent l'humanité grâce à un appareil que chacun reçoit le jour de son initiation par les aliens. Will et Henry Parker, deux cousins, refusent l'initiation, devenant alors des intouchables. Ils décident de fuir vers un lieu où des rebelles comme eux se sont réfugiés, les Montagnes Blanches situées en France. Puis, Dorothée débarque pour prendre la main avec le soutien d'AB Productions. En septembre, on découvre donc Dorothée Matin, le Club Dorothée, présenté par Dorothée. Transfert de Récréa 2 et regroupe également des grands succès comme Capitaine Flamme, Goldorak ou d'autres. On découvre aussi entre autres Bioman avec un nouveau générique chanté par Bernard Minet. On retrouve les 4 filles du Docteur Marc dont on a déjà parlé. Il y a aussi La Revanche des Gobos qui est un dessin animé qui n'a absolument rien à voir malgré son titre français avec la série Le Défi des Gobos, bien que toutes les deux soient basées sur la même gamme de jouets, Machine Robot, qui sortira beaucoup de modèles dans le milieu des années 80. Voyager. l'air. Découvrir la clé du mystère. On découvre également les émissions où les animateurs du Club Dorothée se mettent en scène, comme par exemple Pas de pitié pour les croissants. Enfin, on découvre aussi des émissions spéciales comme le Club Dorothée Noël. Comme vous l'avez bien compris, le changement est en cours. Il prendra un peu de temps, mais il sera inéluctable. Au niveau des émissions de variété de TF1, on note d'abord le grand retour de Daniel Gilbert, qui avait été éloigné des années durant de l'écran. Elle revient avec l'émission Puisque vous êtes chez vous. Puis on découvre une nouvelle émission de variété appelée Grand Public, présentée par Patrick Sabatier. Enfin, il y a aussi À la folie pas du tout, présenté par Patrick Poivre d'Arvor, ou encore Les débuts de Sacrée Soirée, présenté par Jean-Pierre Foucault. L'humoriste Pierre Bonde débarque avec l'émission humoristique C'est tout Bonde. Au niveau des jeux, citons la présentation par Eric Galliano du jeu Tepa Cap à 15h le dimanche, La Roue de la Fortune qui débarque, présentée d'abord par Michel Robb, puis Christian Morin, qui sera accompagné d'abord d'ex-Coco Girls, puis d'Annie Pujol. Ensuite, on a aussi droit au Juste Prix. Il commence avec Max Meignier à la présentation. Signalons également le début de l'émission Ushuaïa de Nicolas Hulot, qui est à la fois producteur et animateur. Cette émission est consacrée à la découverte des paysages naturels du monde et de leurs habitants. Samedi, on a un grand retour. L'émission La Une est à vous qui revient avec sa kyrielle de choix de séries en rediffusion. parle des séries, on voit également débarquer Oui, ça suffit, que nous connaissions déjà en Belgique via RTL. On découvre une nouvelle série, la série Marc et Sophie. Une comédie qui met en scène un couple, Marc qui est vétérinaire et Sophie qui est médecin, dont la majeure partie des histoires se déroule dans l'appartement, comprenant la salle d'attente commune et leur cabinet. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Débarque également une série parlant des hauts et des bas d'une équipe fictive de la Ligue nationale de hockey, le National de Québec. On suit la vie de ses joueurs, de ses entraîneurs et tout ça. C'est cogne et gagne. On découvre La Calanque, qui parle de Francis et Agnès Cambalette, qui tiennent l'hôtel-restaurant Les Flots Bleus. Leur vie quotidienne est rythmée par les allées et venues des visiteurs d'un jour, les touristes et les habitués, ceci sous le soleil du sud de la France. Débarque aussi la série Marathon On ne vit qu'une fois, dont l'action se situe dans la banlieue de Philadelphie en Pennsylvanie, dans une ville fictive. Ceci autour des familles Buchanan, Evans, Lord et Manning. Le feuilleton est centré sur Victoria Vicky Lord, personnage qui doit surmonter de nombreuses épreuves au cours de sa vie. Voilà, passons maintenant sur la petite chaîne qui est FR3, qui propose cette année quelques chouettes nouveautés, aussi pour les jeunes. On voit débarquer Il était une fois la vie et son explication sur le corps humain qu'on a déjà découvert sur la RTBF, et on voit revenir Ulysse 31, ou encore les contes de Grimm. Dans les nouveautés, il y a d'abord les petits malins. On parle de Patty, une jeune lapine qui arrive avec sa famille dans un nouveau village nommé Malinville. De nature très vive, elle devient l'amie de Bobby, un ourson qui n'apprécie pas beaucoup l'école. Ensemble, ils déjoueront les plans souvent ratés du loup grégaire. Celui-ci est installé depuis peu dans la forêt. Bonjour, je suis l'ours Gabi. Tu sais, l'ours les petits malins. C'est moi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. Tourne le bouton. Le bouton tout rond, et je chanterai des chansons. Si tu es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins un ours aimable, gentil et câlin. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. Tourne le bouton tout rond, et je chanterai des chansons. Autre nouveauté, Tao Tao. On parle d'un petit panda qui vit en Chine dans les forêts d'une belle région reculée du monde, néanmoins inconnu des hommes. Et là, Tao Tao joue avec ses amis, le petit singe Kiki et le lièvre Pouhou. On voit également des muscles. Les muscles débarquent avec Mr. T, où notre Monsieur Muscle joue le rôle d'un professeur de gymnastique qui combat également le crime lors des tournées de son équipe à travers le monde. Enfin, on a droit à Bumbo, une petite voiture jaune. Elle est accompagnée dans ses aventures par un petit garçon, Ken, et un petit chien blanc nommé Monsieur. Il est à la recherche de ses parents. Petite automobile, ville, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot, Bumbo, Bumbo, Bumbo, tes deux amis fidèles, d'elle, d'elle, se raccrochent à tes ailes, d'elle, d'elle, pour pas tomber de haut, Bumbo, quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. Campagne en colline, line, tu roulais de dandine, dine, d'en jouer les héros. Boumbo, Boumbo, Boumbo, t'es la petite nouvelle, belle, belle, le tout dernier modèle, belle, belle, la plus belle des autos. Boumbo, au niveau des émissions, FR3 va nous amuser avec La Classe. Dans un décor d'une salle de classe, le professeur Fabrice convoquait à l'estrade ses élèves humoristes qui jouaient d'émulation pour présenter leurs sketchs et remporter la meilleure note. On va découvrir quelques perles qui vont durer une grosse décennie. A noter que FR3 va passer l'Esprit de famille, émission belge avec Philippe Gueluc qui avait été faite pour la RTBF. Au niveau des variétés, on découvre une émission mensuelle produite par Mariti et Gilbert Carpentier, cet embarquement immédiat. On découvre également Philippe Risoli dans la nouvelle affiche. Puis Vincent Perrault et Caroline Tresca apparaissent dans l'émission Ciné Hit, une émission cinéphile à l'attention des jeunes. FR3 nous propose aussi Le Divan avec Henri Chapier, une émission d'interview intimiste. Au niveau des séries, on découvre une nouvelle série canadienne, Cap Danger. Elle se passe à l'aquarium de Vancouver, où le docteur Roberts, biologiste marin, et sa famille luttent contre la criminalité environnementale, comme la pollution, et ils luttent pour la préservation de la vie sauvage, la préservation de la forêt. Signalons enfin, rien à voir avec FR3, qu'en octobre débute sur Canal+, sur le créneau en clair, une émission qui va marquer toute une génération. C'est Nulle part ailleurs, présenté par Philippe Gildas. Voilà, nous avons donc fait le tour des découvertes de 87. Par rapport aux infos que je voulais faire passer, et qui se concentrent principalement sur les programmes jeunesse et les séries, on vient donc de tourner une page qui va nous mener à la fin de cette saison de podcast. En effet, la fin de Récréa 2 sera pour moi une fin du suivi des émissions jeunesse. À bientôt 16 ans et un permis mobilette qui offre la liberté, c'est plutôt le sport et les balades qui vont occuper mes temps libres. Bien évidemment, je suivrai encore les aventures des Chevaliers du Zodiac ou certains dessins animés qui sortaient du lot, comme Juliette Je t'aime, Quel le survivant ou encore Olivier Tom. Mais la présence de plus en plus grande des publicités sur la locomotive qui est devenue TF1 sera aussi une des raisons de mon décrochage. Bien sûr, il y aura toujours des séries télé innovantes, mais ce n'est plus la même chose. En tout cas, ça aura moins marqué ma mémoire. Peut-être était-ce simplement lié à l'âge. Bref, un dernier épisode suivra pour un patchwork sur la fin de cette décennie. D'ici là, et pour l'avant-dernière fois, on fait référence à cette grande série Les Mystérieuses Cités d'Or et à son narrateur. pour se dire au revoir, à bientôt.